Ça tourne, silence. And the Oscar goes to Jean Dujardin, the artist. Et le César du meilleur premier film est attribué à... Parce que si je voulais me lancer dans la psychanalyse, j'ajouterais que c'est le roi des cons. Vive le cinéma! Salut à tous et bienvenue dans Toiles et Sillons, l'émission qui écoute le cinéma. J'espère que vous allez bien. Toiles et Sillons, chaque semaine, c'est une plongée d'une heure dans l'univers musical du cinéma. On écoute des bandes annonces, des musiques de films et on se retrouve aussi sur Internet, sur le site Internet de l'émission toilesetsillons.fr où vous pourrez retrouver toutes les émissions à écouter en direct depuis la première, à écouter en direct sur le site, à télécharger ou bien vous pourrez vous abonner au podcast pour les recevoir directement chez vous. On se retrouve aussi sur la page Facebook de l'émission. La page s'appelle Toiles et Sillons. Aujourd'hui, je vous propose de passer une heure dans l'univers d'Ennio Morricone. Ennio Morricone international, parce qu'il a eu une carrière aussi en France. Il a composé beaucoup de musique de films pour des films français. On lui consacrera une émission spéciale pour les films français, mais là, c'est pour ses films internationaux. Des westerns, des drames et puis des films d'action. On va écouter bien sûr les musiques des films de Sergio Leone qui l'ont rendu célèbre. Il était une fois dans l'Ouest, Mon nom est personne, Il était une fois en Amérique, Il était une fois la Révolution. On écoutera La cité de la joie, Le bon, la brute et le truand. Sacco et Vanzetti, plus récemment la musique du film de Quentin Tarantino, Les huit salopards, et puis Il était une fois en Amérique, bien sûr. Une heure dans l'univers d'Ennio Morricone international dans Toiles et Sillons, c'est parti. Les villes champignons, une nouvelle vie et la terre promise. Il était une fois. Le voleur de terre, le hors-la-loi, les tueurs. L'homme assoiffé de justice. Film de Sergio Leone, l'homme qui réinventa le western, avec pour une poignée de dollars, pour quelques dollars de plus, et Le bon, la brute et le truand. Claudia Cardinal, Henry Fonda, Charles Bronson et Jason Robards. Une chasse à l'homme, un duel à mort. Pays des grands espaces vierges, Un western qui a la pureté d'une tragédie antique. J'arrête, papa. C'est fini, je laisse tomber. C'est ça. Fuis encore. Tu verras où ça te mènera. Alors, jeune homme, bienvenue en Inde. Il a fui tout ce qu'il connaissait. Où est-ce que je suis ? Dans la cité de la joie. C'est géographique ou spirituel ? Il est parti à l'autre bout du monde. Ce n'était pas pour s'y trouver. Ah, tenez, je vous présente celui qui vous a amené ici. Mais pour s'y perdre. Qu'est-ce que vous faites en Amérique ? J'étais médecin. Nous avons vraiment besoin d'un médecin à plein temps. N'essayez pas de m'enrôler. Je suis comme certains catholiques, je ne pratique plus cette religion. Mais la vie va lui offrir une deuxième chance. Sur Max, ce... vous ne croyez absolument à rien ? Je suis persuadé que l'équipe des Cowboys de Dallas va encore être championne cette saison. Là où il ne se serait jamais attendu à la rencontrer. Qui te fait vivre, hein ? C'est moi qui décide. Je suis pas Super Max. Et puis je veux pas m'investir dans le besoin de ces gens-là, ni dans leur désespoir. Si un homme courbe le dos trop souvent, cet homme-là finira par plus jamais pouvoir se relever. Entrez chez vous, docteur. Vous avez l'intention de m'acheter ? On va payer ! Puisqu'on pète, protège-nous ! Moi, en tout cas, je vous comprends pas. Vous agissez comme des moutons. Vous êtes résignés à tout accepter, alors que vous avez le choix. Vous avez du Valium ? Non. Du Phénergan ? Non. Vous avez quelque chose, de la morphine, n'importe quoi ? Non, nous n'avons rien. Ne faites pas ça, voyons. Les dieux n'ont pas voulu que ce soit facile d'être un homme. Et je crois que c'est pour ça qu'on se sent tellement bien quand on y arrive quand même. Pas vu une moitié de cigare. Un blondin, très grand, et qui parle peu. Mais on est seuls, toi et moi. J'ai que toi et tu n'as que moi. À deux, vous irez encore plus vite. Creusez. Peut-être que tu me dises où tu m'emmènes, Touko. Tu ne crois pas que c'est le moment? Je t'emmène vers 200 000 dollars. Qu'est-ce que tu dis de ça, blondin? Et il a parlé d'une certaine caisse qui aurait disparu, pleine de beaux dollars. C'est ça qui m'intéresse. Mais 200 000 dollars, c'est une somme. Et cette somme, il faut la gagner. Ton pistolet et mets ton pantalon. Blondin, j'ai jamais vu un être aussi ignoble que toi. Le village le plus proche est à 110 km. Si tu économises ton souffle, tu y arriveras facilement. Que tu économises ton souffle ou non, tu rêvera à tout petit feu. Après toi. Distrettuale della contea di Norfolk e Plymouth da me rappresentata, la incrimina formalmente Bartolomeo Vanzetti di duplice omicidio e rapina, concorso di Nicola Sacco e di altri ancora ignoti. Ricordatevi la vostra promessa, avvocato. Niente politica. Niente politica. In aula, naturalmente. Socialista? No, signore. Sindacalista? No, signore. Sto soffrendo e pagando perché sono anarchico. E mi sono anarchico. Marco. Lei fa finta di non credere che la polizia, il giudice, il governatore, i ministri siano tutti d'accordo nel volere una condanna ad ogni costo. Non si avrebbe il diritto di ammazzare neanche un cane in base alle prove presentate al processo di Dedalo. E io torno a ripetere che la società nella quale ci costringete a vivere è e che noi vogliamo distruggere è tutta costruita sulla violenza. Lei è un signore, signora. Noi che cosa dobbiamo salvare allora? L'uomo o il simbolo? Qu'il vous reste une petite place. On appelle ce type le bourreau. Quand il y a mort au vif écrit sur l'affiche, nous autres, on tire dans le dos du haut de notre perchoir et on rapporte ton cadavre couché sur la selle. Mais si t'es arrêté par John Rousse, le bourreau, tu te balances au bout d'une corde. Attrapez-le, les gars! Elle, c'est Daisy Domergue. Elle est recherchée morte ou vive pour meurtre. Quand le soleil aura décidé de se lever, j'emmène cette femme se faire pendre. Y aurait-il quelqu'un ici qui se serait juré de m'empêcher de faire ça? Ma foi, on dirait que la mercerie de Minnie va être fort conviviale ces prochains jours. C'est ce que je me dis aussi. a un de ces bonhommes qui est pas celui qui prétend être. Au moindre geste un peu louche, vous prenez une balle. Sans préavis, ni question. Une balle. J'aime mieux ça, ouais. Thank you. Qu'est-ce qui t'arrive, jeune homme? Tu as besoin d'un auditoire? Tu dis que tu t'appelles personne. Je suis tranquille, tu ne tarderas pas de faire un nom sur une de ces croix. Et qu'est-ce que c'est, d'après toi? Pour moi, c'est une bombe. Faire tourner les boules, c'est pas facile. On se retrouve, toi et moi, face à face. Eh non. Tu te retrouves tout seul contre 150. Tu peux être sûr qu'il aura 150 types à crocher à ses fesses. Ce garçon va rentrer dans un merveilleux. C'est dans la légende qu'il va rentrer. Enfants, ils n'avaient rien d'autre que leur amitié. C'est qui? Bugsy. Soit tu bosses pour moi, soit tu bosses pour personne. Adulte, il voulait la fortune et le pouvoir. On est mieux que destin. Il y en a qui vont avoir la grande vie, et d'autres qui vont l'avoir dans le cul. Le film mémorable de gangster signé Sergio Leone, disponible maintenant en édition Director's Cut. Il était une fois en Amérique. Les voilà, les quatre cavaliers de l'apocalypse. Leur pouvoir... Espèce de salaud ! ...les rend sans pitié. Aucun problème, un jeu d'enfant. Leur malhonnêteté les a rendus riches. Si j'avais un million en poche, tu me la coulerais douce. La coulera douce quand on en aura 20. 50. Mais leur cupidité a tout gâché. J'ai un tuyau pour vous. Robert De Niro, James Wood, Elizabeth McGovern, Joe Pesci, Burt Young, Tuesday Weld et Treat Williams. Dans le chef-d'œuvre de Sergio Leone sur l'amitié, l'amour, la vengeance et la trahison. Il était une fois en Amérique. Thank you. Allez, tu me connais? Ouais. L'idiot du village, c'est toi, non? Quand j'arrive quelque part, il y a toujours l'idiot du village qui me reçoit de cette façon. J'ai grandi dans un quartier mal famé. Vous voyez à quoi ça tient, une réputation. Robert De Niro est Al Capone. Il y a de la violence à Chicago, je dis pas le contraire, mais elle vient pas de moi, elle vient pas des gens qui travaillent pour moi. Et je vais vous dire pourquoi, parce que ça tue le commerce. Kevin Costner est Elliot Ness. J'ai fait le serment de mettre cet homme sous les verrous par toutes les voies légales mises à ma disposition, et je vais le faire. Sean Connery est Jimmy Malone. Tu veux croiser Capone ? Il y a pas 36 moyens. Il sort un couteau, tu sors un fusil. Il envoie un de tes hommes à l'hôpital. T'expédies un des siens à la morgue, c'est ça la loi, c'est comme ça à Chicago. Bienvenue à la brigade financière, mon gars. Tout le monde sait très bien où est planqué l'agneau. Le problème, c'est pas de la trouver. Allez-y, faites le ménage. Le problème, c'est qui a envie de contrarier Capone. Quelqu'un me fait des misères, moi je lui fais des misères. T'as un insigne? Oui. Prends un flingue. Les mains en l'air! Vous êtes en état d'arrestation! Alors comme ça, vous êtes incorruptible, si j'en crois ce qu'on dit. Y a pas moyen de s'entendre avec vous. Y a toujours un moyen. Bon. Tu vas les conduire à la gare. Au moindre pépin, tu tires le premier, tu m'as bien compris. Ah, j'allais oublier de vous dire. Quand vous assistez à un combat de boxe, vous attendez que le match soit fini et quand il n'y a plus qu'un type debout, là, vous savez que c'est lui le vainqueur. Je veux juste savoir, tu es prudent au moins. Prudent comme une souris. Je veux que Capone comprenne sa douleur. Je veux porter le combat sur son terrain. Je veux lui faire mal. Ce type peut faire tomber Al. Calmez-vous, ça ne sert à rien de s'énerver. Non, mais qu'est-ce que... Qu'est-ce qu'il y a? T'arrives pas à parler avec un revolver dans la bouche? Je n'approuve pas vos méthodes. Ah ouais? On voit que vous n'êtes pas de Chicago. Je veux que vous me trouviez cette clopette d'Eliot Ness. Je veux qu'il meure. Je veux que sa famille meure. Paramount présente un film de Brian De Palma. Je me suis parjuré, j'ai enfreint toutes les lois que j'avais juré de défendre. Je suis devenu ce que je condamnais et je suis content de moi, j'ai bien fait. Tu peux rien contre moi, niente. Si t'étais un homme, tu m'aurais déjà eu. Faut jamais arrêter de se battre avant que l'adversaire soit KO. Les Incorruptibles. Célèbre adaptation au cinéma de la série télé Les Incorruptibles, le film de Brian De Palma avec Kevin Costner et Sean Connery, entre autres. C'était la musique des Incorruptibles signée Ennio Morricone, qui nous amène à la fin de ce Toiles et Sillons spécial Ennio Morricone international. On va se retrouver très vite pour un nouveau Toiles et Sillons. En attendant, vous le savez, le site internet toilesetsillons.fr. Pour retrouver toutes les émissions, à écouter en direct sur le site, ou bien pour vous abonner au podcast, et puis la page Facebook Toiles et Sillons, vous cliquez sur j'aime, et chaque semaine vous saurez tout ce qui se passe dans l'émission. On se quitte avec bien sûr une dernière musique d'Ennio Morricone. Un film de Sergio Leone, Il était une fois la révolution. On va écouter la bande-annonce en version originale et puis après le célèbre thème d'Il était une fois la révolution. On se retrouve très vite pour un nouveau Toiles et Sillons. D'ici là, portez-vous bien. Salut. Sergio Leone, the master of adventure, who brought you A Fistful of Dollars. For a few dollars more. And The Good, The Bad, and The Ugly now brings Rod Steiger and James Coburn together to blow you apart. Rod Steiger as one, a mean, filthy, greedy, rotten, bloodthirsty bandit. When his finger gets itchy, someone gets scratched. James Coburn as John, the exploding Irishman, a walking stick of dynamite with a very short fuse. Rub him the wrong way, and he'll go off in your face. Duck, you sucker. You understand now? Anything you say, firecracker. Together, they'll blow you apart. We are like two brothers. I mean, you make the holes with the holy water, and I walk in and do the dirty work, eh? You come here to join the revolution. Oh, one was enough for me. Fuck you, suckers! I think we should get out of here. You can't leave. No, you're a great, grand, glorious hero of the revolution. You're talking about revolution. Trust me. No. Ah, Putin! Duck, you sucker. Coburn, together, they'll blow you apart. Duck, you sucker. Thank you.